Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoie. Fable de La Fontaine, livre second, de Jean de La Fontaine. Fable 3. Le loup plaidant contre le renard par devant le singe. Un loup disait que l'on l'avait volé. Un renard, son voisin, d'assez mauvaise vie, pour ce prétendu vol, par lui fut appelé. Devant le singe, il fut plaidé, non point par avocat, mais par chaque partie. Thémis n'avait point travaillé, de mémoire de singe, à fait plus embrouiller. Le magistrat suait en son lit de justice. Après qu'on eut bien contesté, répliqué, crié, tempêté, le juge, instruit de leur malice, leur dit « Je vous connais de longtemps, mes amis, et tous deux vous payerez l'amende, car toi, loup, tu te plains quoiqu'on ne t'ait rien pris. Et toi, renard, as pris ce que l'on te demande. Le juge prétendait qu'à tort et à travers, on ne saurait manquer, condamnant un pervers. Note. Quelques personnes de bon sens ont cru que l'impossibilité et la contradiction qui est dans le jugement de ce singe étaient une chose à censurer. Mais je ne m'en suis servi qu'après Phèdre, et c'est en cela que consiste le bon mot, selon mon avis. Fin de la fable 3. Le loup plaidant contre le renard, par devant le singe.